Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Diantre, je sens que je vais conclure. La séduction d'hier à aujourd'hui. En 1781, Jean-François Fournel, avocat au Parlement de Paris, fait paraître un traité de la séduction considéré dans l'ordre judiciaire. J'ai rassemblé dans ce traité les principes, les décisions et les autorités relatives à la séduction des femmes. L'auteur précise, cet ouvrage est consacré à traiter de la séduction employée contre les filles ou veuves pour parvenir à triompher de leur sagesse. La séduction, toute une histoire. Un homme doit toujours descendre le premier, un escalier suivi de la jeune femme. Pour monter, c'est la même chose. L'homme précède la femme. On ouvre une porte de voiture à une femme pour qu'elle y rentre. Et lorsqu'elle descend de voiture, le garçon fait le tour de la voiture pour lui ouvrir la porte. Vous apprenez bien sûr le savoir-vivre, mais quand même surtout la galanterie. Alors vous voulez en faire quoi, de ces garçons des playboys ou... Ne dites pas la galanterie tout court, parce que ça ne veut rien dire. Je ne veux pas faire de futur Casanova, je veux dire la galanterie française. Ça n'a rien à voir avec la galanterie tout court. On ne s'est pas assez penché sur le cas masculin. On les a laissés pousser comme de la mauvaise herbe. Dites donc, Daniel, on ne fume pas à table, s'il vous plaît. Voilà. C'est bien, mais on tient pas son couteau comme un stylo, mon ami. Tenez-le comme tout le monde. Soyez simple. Oh merde, c'est la galanterie française quand la radio portait son micro dans une école de bonne manière. Ne dites pas la galanterie tout court, dites la galanterie française. Nous étions en 1974. Bonjour Robert Mouchamblé. Bonjour. Alors ils ont raison ici, cette professeure de galanterie. Il ne faut pas dire la galanterie tout court, il faut préciser la galanterie française. Tout à fait. C'est un système précisément qui s'est mis en place à partir du 16e et surtout du 17e siècle, et qui nous a été quelquefois pris par le reste du monde. La galanterie française a un peu disparu de nos jours, mais on la retrouve chez les Polonais qui ont été bien éduqués à la française. Effectivement, c'est un phénomène spécifiquement français. Il y a d'autres formes de galanterie, mais celui-là, de toute façon, n'était pas tellement destiné aux dames. Il est né simplement pour les maîtres, pour les mâles. Il s'agissait par exemple d'apprendre à marcher dans la rue avec quelqu'un de plus important que vous, en lui gardant le haut du pavé. Ah oui, pour éviter les éclaboussures des carrosses. Bah oui, parce que le pavé était bombé et les autres marchaient dans la boue. Oui. Et donc la galanterie est d'abord un système de cours, un système masculin de placement des gens les plus importants par rapport les uns aux autres. Et elle s'est peu à peu développée vers la femme, mais surtout au XIXe siècle avec les bourgeois qui ont inventé des compléments. La séduction, une passion française, c'est votre ouvrage aux belles lettres, Robert Mouchamblé, avec ce mot séduction qu'il faut définir, parce qu'il est extrêmement complexe. La séduction, je lisais pour ouvrir cette émission un extrait d'un traité de la séduction considérée dans l'ordre judiciaire. Attention, la séduction, c'est du vocabulaire judiciaire. Oui, ça peut être aussi du vocabulaire religieux. Parce que dans notre système qui a 2000 ans de christianisme, la séduction est un redoutable péché. Ah, le serpent ? C'est le démon. Eh oui, le séducteur, c'est le démon. Adam, Ève, c'est de la séduction quand le serpent demande à Ève de manger la pomme. Absolument. Et donc, y compris la séduction masculine, qui est la seule d'ailleurs tolérée pendant longtemps, c'est un phénomène qui est en réalité une sorte de brutalité machiste qui a été recouverte peu à peu par des ondes de galanterie à la française. Mais ça n'a pas toujours transformé le fond de l'affaire. Vous définiriez comment la séduction ? Alors, séduction, c'est extrêmement difficile à définir. En latin, ça veut dire mener à l'écart. C'est-à-dire, avant d'entrer dans le domaine religieux et de devenir très mauvais, c'était déjà considéré par des sociétés non chrétiennes comme une sorte de violence. C'est une manière de s'occuper des dames, qu'on trouve aussi d'ailleurs dans le dit du Genji, un superbe roman japonais de l'an 1000, écrit par une dame. et les femmes sont séduites avec un petit peu de violence cachée par des systèmes de galanterie japonais de l'époque. Alors, séduction, séduire, c'est toujours vouloir faire de l'autre sa chose, si je puis dire. C'est pas tout à fait, pour paraphraser Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était elle. C'est beaucoup plus une question de rapport inégal. La séduction est toujours un rapport inégal. Et la séduction amoureuse dans nos sociétés est toujours un rapport inégal. Peut-être biologique, on ne sait pas. Si les hommes préhistoriques, il y a 100 000 ans, séduisaient à la massue ou séduisaient un peu brutalement, ça s'est conservé de nos jours d'ailleurs. C'est bien de le souligner. Avec, vous avez utilisé ce mot mâle, effectivement, qui rapporte l'humain, alors en tout cas l'homme ici, à ce qu'il a de naturellement mâle. Mais dans cette lecture-là, Robert Mouchamblet, il est pour l'historien toujours la question des sources. Et vous nous l'avez bien dit, hein. Il y a cet univers, celui de la cour, donc un discours venu des dominants, parce que très difficile à saisir la séduction et les discours dont vous disposez surtout sont discours venus du monde dominant. Oui, pas uniquement. J'ai commencé le livre par la séduction chez les paysans, qui étaient 80% de la population jusqu'au 19e siècle, au début du 19e siècle. On a des sources, ça peut être des sources indirectes, comme par exemple des procès. La séduction étant considérée comme un péché et un crime, la séduction féminine était particulièrement diabolique, parce que jusqu'à une époque assez récente, la femme était considérée comme directement attirée par le démon. Alors séduction, diabolisme, violence... Ça comporte toutes ces choses-là que les Français ont tenté de recouvrir par une sorte de chape de politesse, de galanterie, de souvent un peu de faux-semblant. Car malgré la politesse et la galanterie, dans le monde des médias d'aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver des séductions brutales. Très brutal, des viols, en profitant d'une position dominante. Ça peut s'appeler le masculinisme. Alors, séduction, ça peut se décrire de toutes les manières. Il y a toutes les formes de séduction. On peut être séduit par Dieu. Et là, moi, c'est la séduction amoureuse à la française qui m'a intéressé dans le long terme. Robert Mouchamblet, vous êtes dans votre... carrière, à un moment où vous réfléchissez à la séduction, après avoir réfléchi aux sorcières et au diable. Et à vous écouter, on entend toute la logique qu'il y a dans cette réflexion. C'est intéressant, ça, d'être parti des sorcières, du diable, et de réfléchir à la séduction. Oui, parce que dans l'époque moderne, qui est ma tasse de thé, qui va jusqu'à la Révolution, la femme n'a pas le droit à la séduction. Toute femme qui séduit ne peut être que mauvaise, c'est la mauvaise femme. Et il faut attendre à peu près le film de Jean Eustache, La maman et la putain, au milieu du XXe siècle, pour voir un peu se casser ce moule qui a été millénaire. Oui, un moule authentiquement millénaire avec des rapports de domination qui sont au cœur de cette réflexion sur la séduction. Et il y a toujours dans cette histoire-là un professeur de charme. Il y a des règles. Oui. Je peux vous les demander, ces règles de la séduction ? Bien d'abord, être toujours de bonne humeur, en principe. Oui, c'est pas toujours facile, mais enfin, on peut essayer. Et il faut faire un effort. Oui, et puis ? Et puis, il y a une certaine souplesse de caractère. Oui, c'est pas non plus toujours facile. Enfin, je connais des gens à qui ça irait très bien. Et ensuite, une confiance en la personne que l'on veut séduire. Mm-hmm. Il faut lui faire sentir cette confiance. Oui. C'est assez difficile, mais enfin, quand la personne sent que vous avez confiance en vous, il est rare qu'elle vous déçoive. Enfin, elle est très fière et... C'est valable dans les deux sens, votre affaire ? Oui, je crois. La homme, confiance, femme, oui. Femme, homme. Oui, alors en 1960... c'est la date de l'archive, c'est valable dans les deux sens, homme, femme, femme, homme. C'est ce que dit ce professeur de charme, Robert Mouchamblé. Vous me dites non sur le temps long. En fait, cette histoire est une histoire déséquilibrée et une histoire de domination. C'est-à-dire que la séduction telle qu'elle est réfléchie est une séduction qui s'intéresse à l'homme. Absolument. Mais les choses changent à partir des années 1920 en France, lentement, et surtout à partir des années 1970, beaucoup plus rapidement. Les femmes ont obtenu le droit à la séduction. Elles ont même tellement obtenu le droit à la séduction qu'elles ont mis la masculinité en crise. Le masculinisme brutal que l'on voit apparaître de nos jours, qui vient aussi d'Amérique, le masculinisme est une sorte de réclamation violente ou moins violente des hommes d'un privilège, le privilège de séduire, puisque les femmes n'étaient pas autorisées à séduire. Avant Sarah Bernhardt, qui est devenue une icône française et qui a fait des tas de spots publicitaires mode pour les femmes, avant Sarah Bernhardt, les femmes normales, ordinaires, de bonne qualité, de bonne famille, n'étaient pas autorisées à séduire. Elles étaient enfermées chez elles. Elles ne devaient pas se maquiller. Elles ne devaient pas porter de parfum, etc. Dans cette longue histoire de la séduction, avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Sylvie Stenberg, bonjour. Bonjour. C'est, en écho à tout ce qu'on vient d'entendre, une histoire de déséquilibre avec l'interdiction pour les femmes de pouvoir séduire. Quelle lecture avez-vous de la place laissée aux femmes dans l'histoire de la séduction? Je rejoindrai ce que vient de dire Robert Mouchamblé pour dire que le terme séduction est en effet un terme très ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois la séduction c'est une manœuvre pour tromper l'autre et qui peut avoir des arrière-plans diaboliques, éventuellement si on s'intéresse à la théologie. Et en même temps, bien sûr, les sociétés anciennes sont aussi fondées sur la nécessité de se plaire, de se rencontrer, de se marier, d'autant plus qu'on est dans des sociétés qui présente quand même le paradoxe, d'une certaine façon, d'avoir une très très forte homogamie, comme on dit, c'est-à-dire que les gens se marient en gros dans leur milieu, mais qui se marient relativement tard, de plus en plus tard, quand on s'approche de la fin du XVIIIe siècle, par exemple, qui a donc une grande période où ils ont le loisir de se fréquenter, de se plaire, de se rechercher, comme on disait, et qu'il y a une latitude, quand même, qui est laissé, en particulier aux jeunes gens, là je ne parle que de la fréquentation juvénile, disons, une latitude de choisir d'une certaine façon son partenaire. Donc là, il y a ces notions, disons, d'attrait, de plaisir mutuel, etc., qui entrent en jeu. Vous avez dit qu'il y avait un peu de tromperie, il n'y en a pas toujours quand même, rassurez-moi. Non, justement, c'est une ambivalence. Alors bon, dans les sociétés anciennes, la séduction en elle-même est en effet considérée comme étant une manœuvre, hein, et on préfère en général parler d'attrait, pour désigner en fait cette attirance qui existe entre les personnes. Nous parlons de séduction, mais effectivement, le vocabulaire de la séduction est beaucoup plus large. Et nous avons un mythe occidental qui vient de Platon et qui est l'androgyne. C'est tout à fait le contraire de la dureté de la séduction masculine, puisque, en tout cas, on l'a utilisé comme tel. C'est l'idée que, autrefois, il y a très longtemps, l'être humain était composé de deux sexes, dans le même, et que les dieux l'ont puni pour une raison quelconque, l'ont divisé en deux, et que chaque moitié se recherche mutuellement avec une puissance extraordinaire pour recomposer l'androgyne. Une sorte d'amour fou qui rappelle Roméo et Juliette, qui est au cœur aussi de notre civilisation occidentale et qui a beaucoup embêté l'Église, parce que quand on est ainsi porté par la séduction de l'autre sexe, on s'intéresse peu à Dieu. Ah oui. C'est une des raisons pour lesquelles il y a là une contradiction qui est une contradiction énorme jusqu'au moment où l'Église a perdu l'essentiel de son pouvoir dans ce domaine. La séduction dont nous sommes les héritiers est une construction sociale, bien sûr, qui nécessite une différenciation très nette des genres, j'ai l'impression. C'est une lecture de la société où il y a des hommes et des femmes avec des archétypes. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le dire. Oh, tout à fait. Sylvie Steinberg a travaillé sur le travestissement. Et effectivement, jusqu'à la Révolution, une femme qui s'habillait en homme était coupable de crimes. Pas seulement de péché. Ce sont effectivement des codes sociaux qui divisent énormément la société entre mâle et femelle. Le mâle, et c'est ce qui m'a intéressé surtout, le mâle est en quelque sorte en France, c'est ça qui fait sa spécificité, le super mâle qui tente d'imiter le super mâle royal. Car nous avons la chance d'avoir en France, depuis les Francs, depuis Clovis, un roi qui est super mâle et qui devient sacré au Moyen-Âge, thaumaturge, c'est-à-dire tout à fait hors du temps. Et il est capable de séduire toutes les femmes françaises, il est porteur de toute la fécondité, etc. Et chacun veut imiter le roi, y compris la plupart des présidents jusqu'à une époque récente. Le roi thaumaturge qui guérit en touchant du toucher, et donc il peut toucher à peu près tout ce qu'il veut. Absolument. François Ier, on le sait, fut amoureux toute sa vie. Grande dame comme la duchesse d'Étampes, bourgeoise comme la belle Ferronnière. Le roi aime l'amour et commet pour lui des folies royales. Pour l'amour d'une dame, il confisque Chenonceau à son légitime propriétaire. L'art de vivre sous François Ier, une émission de 1962, il confisque un château à son propriétaire, mais le roi a tous les droits. Pourquoi, Robert Mouchamblé, ce moment Renaissance vous semble important dans l'histoire de la séduction? C'est la première fois où la cour devient féminisée. Il n'y avait presque pas de femmes dans les cours antérieures au Moyen-Âge. Elles n'étaient pas traitées de façon très correcte. Mais sous François Ier, il y a déjà un bataillon de 200-300 superbes filles à la manière italienne qui vivent à la cour et qui sont le vivier naturel du roi. Effectivement, il a tous les droits. Lorsqu'il veut coucher avec une femme mariée et que le mari se met avec une épée sur son chemin, il lui dit « Bouge !» Sinon, je te fais couper la tête. Et il s'en va tranquillement honorer la dame. Effectivement, le super mâle, le super roi, considère qu'il a tous les droits. Et d'autant plus qu'il est des sens sacrés. Et c'est quelque chose qui a beaucoup inondé la société française. Tous les vieux mâles, comme diraient les américaines féministes, tous les vieux mâles sont un peu des machistes qui prennent ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Oui, c'est cette idée-là avec quand même, pour le roi, la non-nécessité de séduire, parce qu'il a tout ce qu'il veut. Donc lui, il n'a pas besoin de séduire, en fait. Il n'a pas besoin de séduire, mais il séduit quand même. Par exemple, Louis XV, qui était timide, a énormément séduit parce que les femmes françaises voulaient coucher avec lui. Elles lui écrivaient. Elles lui disaient leur amour, parce qu'il était une sorte de modèle. C'est pas seulement l'homme. Il était considéré comme le plus bel homme du monde. Mais la séduction ne s'attache pas toujours à la beauté. Si vous regardez de nombreux de nos présidents depuis la création de la République, ils ne sont pas obligatoirement très séducteurs. Mais ils emballent. Oui, c'est ça. C'est cette idée d'obtenir quelque chose que l'on désire. Et évidemment, dans ce cas-là, c'est... pourquoi pas l'amour avec la séduction. Sylvie Steinberg, dans cette lecture que vous avez sur le temps long, Une histoire des sexualités, c'est l'ouvrage que vous avez dirigé aux Presses universitaires de France. Ce moment Renaissance est un moment particulier dans la relation entre les genres, parce qu'on sent bien que le 17e, le 18e siècle mettent en place des choses. On voit, en fait, et c'est ça qui nous intéresse, que ici, il y a encore objet historique. La séduction n'est pas la même tout le temps et la sexualité aussi n'est pas la même tout le temps. Non, c'est sûr, mais disons que je n'aurais pas la même lecture que Robert Muchamblay sur ce point. D'abord, je pense qu'avant la Renaissance, il y avait aussi des relations, disons, de séduction et des relations pacifiées dans un certain nombre de cours. Et bon, il y a tout le mouvement courtois qui en témoigne d'une certaine façon. Donc, il y a eu plusieurs moments de réflexion sur la manière de traiter les dames et la manière de quitter la brutalité, disons. Et d'autre part, je n'aurais pas non plus la même lecture sur, disons, la notion de ruissellement, c'est pour le dire dans des termes actuels ou bon, dans des termes de Norbert Elias, qui serait un mouvement de civilisation à partir de la cour. Je pense qu'il y a d'autres, en fait, beaucoup d'autres choses qui travaillent les sociétés anciennes. Évidemment, les croyances religieuses, évidemment, les traditions populaires, évidemment, les nécessités démographiques, matrimoniales, etc. Et que donc on ne peut pas non plus pister, je dirais, un modèle qui viendrait de la cour dans les couches populaires. Et non plus, je dirais, une trajectoire linéaire vers plus de pacification ou plus d'initiatives féminines. En fait, quand on voit le libertinage au XVIIIe siècle, c'est un moment très particulier qui va s'éteindre ensuite au XIXe siècle au profit du romantisme. Bon, voilà, donc c'est assez difficile pour moi de repérer hors de la société de cour ces linéarités et ces évolutions. Ce modèle, vous avez utilisé ce mot, hein, Sylvie Stenberg, de modèle, c'est ça en fait, cette société de cour peut représenter un modèle avec toujours cette idée que ce monde de la cour est très particulier au sein de la société. Tout à fait, c'est pas un modèle à la Elias, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, c'est pas un modèle simplement civilisateur, c'est un modèle de domination. C'est un modèle de brutaux virils qui se mettent en ligne derrière le roi et qui veulent le remplacer d'ailleurs pour ses frères ou d'autres choses de ce genre. Donc c'est pas tellement ça que je vois. C'est le fait que la séduction, l'Église l'a considérée comme négative, je vous l'ai dit, et même le mouvement courtois n'a pas été bien vu par l'Église. En plus, si j'ai mis l'évolution à la Renaissance, c'est pas tellement en France qu'il a commencé, c'est dans les cours italiennes. François Ier a amené les femmes, la séduction, l'italienne libérée, etc. Libérée, entre guillemets. Et il y a un autre élément qui me paraît très très important, ce sont les réactions négatives féminines à ces modèles, c'est-à-dire leur façon d'investir le modèle. Quand Brantôme raconte la cour royale, il montre que les femmes ne se laissent pas faire. Et au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, c'est de pire en pire. Parce que les femmes, par exemple, les filles de l'opéra, qui sont aussi quelques centaines, deviennent des sortes de prostituées de luxe absolument désirées par la totalité des hommes puissants. Et elles acquièrent, grâce à leur séduction, même si c'est une séduction qui est considérée comme négative, elles acquièrent une position sociale extraordinaire, qui est aussi celle des grandes horizontales du 19e siècle, de Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt était une prostituée dans sa jeunesse, et elle couchait avec tous les hommes les plus importants de l'univers. Alors, le modèle de cour, pour moi, n'est simplement que celui du vieux virilisme, du vieux machisme et de ses bases. Mais les femmes se sont battues contre ça, longtemps, sous forme individuelle, et puis ensuite d'une manière plus collective, pour essayer de faire disparaître une partie des problèmes et, en somme, des ciels qui pesaient sur elles dans les univers précédents. Une tendance générale que vous évoquez, hein, Robert Muchamblay, avec toujours l'idée que, au-delà de la tendance générale, il y a les 1000 variations absolument, possibles. Sylvie Stenberg, vous avez étudié justement ces variations des modèles de domination. Alors déjà, pour la séduction, donc il y a un modèle masculin qui s'impose comme un idéal, hein, qui prend plein de formes possibles dans la société, mais que les femmes arrivent à contourner. Alors déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'il y a une compréhension de ce modèle, tel qu'il est là, fantasmé sans doute, et qu'il y a un retournement du modèle parce qu'il faut bien trouver sa trajectoire dans une société? Non, j'aurais vraiment du mal à penser comme ça. En fait, quand on regarde les choses, on va dire, à travers les archives que vous avez évoquées tout à l'heure, il y a évidemment des rôles sexués qui sont extrêmement fixés. Hein. Il est tout à fait exact que les hommes doivent passer à l'offensive et qu'il est totalement indécent pour une fille de faire de même et qu'elle doit accepter les hommages. Bon, voilà. En même temps, la séduction, encore une fois, la séduction qui relève de la manœuvre n'est pas non plus valorisée dans les hors d'un certain nombre de cercles. Hein. En particulier, il y a un crime de séduction qui existe, qui peut être aggravé par un autre crime qui est le crime de rapt, où on distingue crime de séduction et crime rapt de violence. Donc la séduction, ça n'est pas entièrement une violence, c'est plutôt défini, on dirait dans des termes d'aujourd'hui, comme une emprise qu'on aurait sur la personne aimée, et c'est quand même défini comme quelque chose de réciproque, c'est-à-dire qu'on peut condamner une servante pour avoir rapté son maître, mais là, parce que, évidemment, la question, c'est la mésalliance. Donc, on a toutes sortes, en fait, de dispositifs qui sont significatifs, mais ne sont pas forcément significatifs de sensibilité, d'émotion, de valeur, de comportement, etc., qui sont pris en fait dans des logiques, encore une fois, sociales, juridiques, voilà. Alors donc il y a en effet des rôles bien attribués aux uns et aux autres. Maintenant, dire que tous ces hommes qui sont par exemple traînés devant les tribunaux pour crimes de séduction ont dominé leur partenaire, ont brutalisé leur partenaire, ça peut arriver, parce qu'en plus, comme le viol est très peu poursuivi, un certain nombre de vrais viols sont condamnés plutôt au terme de la séduction, mais il y a aussi des traces de conduite qui sont tout à fait respectueuses, qui sont tout à fait réciproques. On a un très grand contraste si on prend deux mémorialistes du XVIIIe siècle fameux, Louis Simon, hein, qui est un ouvrier, étaminier, et puis Ménétra. Ménétra raconte dans ses mémoires toute une série de viols, et on voit très bien que c'est quelqu'un qui, quand il est compagnon, donc quand il passe de province en province, n'a qu'une idée en tête, c'est effectivement de forcer les filles, comme on disait, hein, et il le fait, il s'en vante, etc. Et puis, de l'autre côté, on a un amoureux éconduit qui chante sous les fenêtres de sa belle, si on peut dire. Bon, voilà, donc c'est difficile quand même d'avoir des généralisations entre, d'un côté, ce qui est attendu des comportements, hein, et en particulier des comportements de réserve, de pudeur féminin, et des comportements, disons, plus offensifs des hommes, de passer de ce constat, disons, au constat qu'il y a une brutalité généralisée. Et en plus, tout ça est quand même très ritualisé, très surveillé, sous l'œil de l'Église, sous l'œil des parents, sous l'œil du voisinage, et dans un respect, disons, d'un certain nombre de rituels qui sont bien établis. C'est le paradoxe de la séduction, Robert Mouchamblé, oui. Parce que la séduction, on la voit comme la marche délicate qui conduit à l'amour, et dans le même temps, on l'entend très bien avec ce que vient de dire Sylvie Steinberg, c'est aussi quelque chose qui peut vous conduire devant les tribunaux. Ça dépend complètement du contexte. Tout à fait, et il y a des comportements de groupe très nombreux et très différents, c'est sûr. C'est sûr, quand je parle de choses d'ensemble, de grandes lignes directrices, c'est en particulier la ligne directrice de la puissance masculine qui est à la baisse très lente, accentuée depuis peu, et la montée d'une sûreté plus grande chez les femmes et le droit qu'elles commencent à obtenir à certains moments à la séduction. Dans certains milieux d'abord, ensuite d'une façon plus générale. Songez qu'au XIXe siècle, les bourgeois étaient des séducteurs compulsifs. Tous les hommes mariés avaient pratiquement une maîtresse, une petite cousette, une midinette qu'ils entretenaient, à qui ils faisaient des enfants, dans une maison secondaire, etc. Et ce genre de phénomène n'avait pas d'équivalent à part chez les grandes horizontales qui clamaient leur liberté. Et moi, je vois surtout un double mouvement. C'est la baisse de la puissance du roi sacré, et la montée du phénomène urbain à travers Paris en particulier. Paris est une femme, Paris est une blonde, comme on chantait quelquefois. Elle l'est de plus en plus et elle devient l'antithèse, le lieu de formation d'une séduction féminine à la française qu'on nous envie beaucoup, puisque tous les Asiatiques veulent venir se marier à Paris, par exemple, même s'ils sont déçus. Ça peut arriver. C'est le syndrome de Paris. Voilà. On arrive et on avait beaucoup de fantasmes, puis on est un peu déçus quand même. Dans cette histoire de la séduction, il y a deux moments. Il y a le temps de la séduction à étudier, voir la manière dont doit se comporter le séducteur ou la séductrice, et la réponse à la séduction. C'est un va-et-vient sans cesse, parce que absolument, ce n'est pas qu'une seule ligne. Comment étudier ces réponses? Comment étudier ce va-et-vient très compliqué? Un traité de séduction, ça c'est une source fascinante, mais c'est une source complètement normée et qui ne correspond pas toujours à une réalité. Où aller chercher pour l'historien, l'historienne? Par exemple, dans le vocabulaire, regardez le vocabulaire de Houdin, qui était au XVIIe siècle un personnage qui racontait toute une série de choses à travers le vocabulaire et qui parlait, par exemple, de la séduction indirecte des femmes de Paris quand elles se promenaient en balançant leur derrière dans la ville. C'est inimaginable, c'est différent du reste. Alors, on peut trouver des choses de ce genre-là, on peut trouver des choses dans la littérature, dans l'art, dans les films, dans la BD actuellement, etc. Il y a d'immenses gisements non exploités ou non entièrement exploités à ce propos. Par exemple, la question de l'odeur, l'odeur de séduction, l'odeur de femme, comme l'a dit un célèbre film italien. Les spécialistes aujourd'hui prétendent que chaque humain sur la Terre possède une odeur personnelle, comme des empreintes digitales. Et certains d'entre eux suivent Platon en disant qu'au fond, il faut trouver celle qui convient à votre odorat. C'est ça le coup de foudre. Mais le coup de foudre est aussi quelque chose de particulier. Et la relation sexuelle, la relation humaine est beaucoup plus complexe que ce que l'historien peut dire et trouver dans ses filets. Il y a toute une série de choses. J'ai été frappé de voir comment fonctionnait la séduction dans le monde impérial japonais de l'an 1000. C'était un peu comme en France. C'est le seul cas que j'ai trouvé, c'est raconté par une femme, hein, une femme de cour, à propos d'un bâtard de l'empereur, qui est un séducteur suprême, Sire le Radieux. Il est séducteur, il couche même avec la femme de son père. Et il produit l'un des empereurs suivants, dans le roman. Donc, et l'odeur est un point fondamental. Et le rapport homme-femme est aussi un point fondamental. Les femmes sont cachées aux hommes, Elles ne sortent pas, parce que si elles sortent, les hommes les agressent. Les agressent gentiment, avec une éducation semblable à la politesse française, mais les agressent. Et les violent, leur font des enfants, et elles ne peuvent se tenir en face des hommes qu'en glissant sur les genoux. Alors, dans beaucoup de sociétés humaines, il y a des phénomènes globaux, comme ça, la cour japonaise, la cour française, et puis il y a des tas de différences qui sont des différences de classe, de groupe, d'âge. La séduction du vieil homme, aujourd'hui, n'est toujours pas exactement la même que celle du jeune homme de 20 ans dont la masculinité est mise en cause par les soubresauts récents. Dans cette histoire du genre, parce qu'on l'entend, hein, Robert Mouchamblay, vous défendez, et c'est la lecture que vous avez dans La Séduction, une passion française, cette histoire de l'évolution du rapport à ce qu'est le genre, il y a l'histoire des sensibilités, avec cette idée de seuil de tolérance. C'est vrai que Sylvie Steinberg, quand on parle de séduction, on pourrait dire la drague, on voit des manières d'être, le toucher, hein, la main aux fesses, etc. On sent que le rapport à ce geste est différemment perçu selon le temps. C'est aussi ça, cette histoire des sensibilités. Oui, tout à fait. Mais comme vous le rappeliez, c'est très difficile à documenter malgré tout. Hein. Donc, on peut se servir des archives judiciaires, qui en même temps relate peu de choses très concrètes, si ce n'est parfois les témoins qui disent, qui essayent de décrire une intimité qui serait excessive en disant il l'a prise par le bras, il lui a fait des pinçons, il l'a entraînée. Donc on a des détails de ce type. Et puis, le grand gisement qui avait été exploité par Jean-Louis Flandrin en particulier, concernant la fréquentation juvénile, ce sont les folkloristes du 19e siècle qui ont fait des enquêtes, en général assez superficielles, mais qui montrent aussi, au-delà de toutes les différences que vous venez de citer, c'est-à-dire d'âge, de milieu social, etc., la grande diversité aussi géographique dans un pays, la France, qui était un pays paysans avec des coutumes très différentes, avec des... Alors, ce que vient de dire Robert Mouchamblay, par exemple, est peut-être valable pour Paris, hein, mais la mixité, elle existe bel et bien dans le monde paysan, bien sûr, et elle existe aussi dans le Paris populaire des 17e et 18e siècle et 19e siècle. Hein. Mais cette mixité, forcément, elle nécessite un certain nombre de limites, un certain nombre de cadres, un certain nombre de, comme vous le dites, de gestes qui soient autorisés et d'autres qui soit prohibé, et encore une fois, cette surveillance parfois à distance et parfois bienveillante de l'entourage pour vérifier qu'en effet les limites sont bien respectées. Avec cette question des gestes, ça c'est essentiel parce que le geste c'est quelque chose que l'on peut essayer de saisir, de témoigner, mais qu'en est-il des paroles? C'est bien compliqué aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Notre duo, c'est Robert Mouchamblay et Sylvie Steinberg. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le pain. douceur se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Alain Delon sur France Culture dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par un duo Alexandre Manzanares avec à la technique Florent Bujon. Dans cette histoire de paroles et paroles, Robert Mouchamblé, on sent bien que la séduction est codée et c'est ce dont se moque cette chanson. Parole, parole, il y a des phrases à dire à un moment donné. Cette codification se met peu à peu en place. Oui, et justement à la Renaissance, par exemple, le code de cour, c'est un livre qui est lu par tous les gens de cour, qui s'appelle Amadis de Gaulle, qui est un roman sur la quête d'un chevalier, de sa belle, etc. Eh bien, Henri II le joue toute sa vie. Par exemple, il écrit à Diane de Poitiers, sa maîtresse, en Amadis de Gaulle, dans le style, qui est un style pompeux, un style aussi très sensible à la féminité, et pourtant, de son temps, lui d'ailleurs comme les autres, on peut être assez brutal avec les dames qu'on rencontre dans un coin du palais et que l'on travaille debout, ce que Brantôme n'aime pas, par exemple. Il y a à la fois les mots, les mythes qui recouvrent toute une série des réalités qu'on ne veut pas voir, et puis il y a la réalité. Effectivement, les réalités sont souvent très différentes. Je suis bien d'accord qu'il existe des zones tout à fait différentes. Par exemple, le Pays Basque ou la Bretagne, les femmes sont beaucoup plus puissantes que dans le reste de la France. Elles sont... Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Henri IV a envoyé son grand chasseur de sorcières en 1609, et il y a eu 80 bûchers, parce que en réalité, il s'agissait de mettre à mal une société différente. Quand on regarde de plus près les choses, on se dit effectivement que la France, qui est une sorte d'immense empire, à l'époque, elle représente un cinquième de l'Europe en population. La France, qui est un immense empire, a des variétés extraordinaires. Mais on tente de les unifier à travers le langage de cour, donc dont le langage de séduction. Ce n'est que ça à Versailles. Parce qu'à Versailles, il y a Lully, et Lully, qui est un brave homme, gentil, un jour donne des coups de pied dans le ventre d'une danseuse enceinte parce qu'il est mécontent qu'elle ne puisse pas tenir son rôle dans une pièce qu'il dirige. Vous savez, la réalité et l'apparence, les mythes et les phénomènes concrets sont tout à fait différents. Il faut faire les deux, bien sûr. Là, je me suis surtout lancé dans une sorte de fresque longue où j'ai simplifié certaines choses, mais je suis tout à fait conscient, en vieux machiste d'origine converti récemment, depuis seulement une vingtaine d'années, parce que je viens d'un milieu où la brutalité était visible tous les jours, tous les soirs, dans la rue. Les femmes aussi se battaient, elles frappaient les hommes, c'est le milieu minier, le milieu des corons. Et les hommes se battaient, les femmes se battaient, les enfants se battaient, il y avait une sorte de bagarre permanente, de violence, et la séduction était une violence. Robert Mouchamblé, quand vous écrivez « La séduction, une passion française », là, aux belles lettres, je ne veux pas dire qu'il y a de l'égo-histoire, mais oui, vous avez votre carrière, donc il y a de l'égo-histoire au sens, en tant qu'historien, passé des sorcières au diable à la séduction, il y a une logique, on l'a évoqué, et puis après même, dans votre regard porté sur la société. Oui, parce que je suis originaire du peuple, je suis un fils de mineur, Mes oncles étaient mineurs, mon grand-père était mineur, et ma mère était paysanne. Elle était un peu sorcière sur les bords. Alors, elle m'a éduqué dans son patois picard à tous les rites paysans de sorcellerie. Et de l'autre côté, j'ai vu une société qui était une société de vie précaire. Les gens meurent à 30 ans de silicose, la terrible maladie pulmonaire, et les relations sexuelles sont brutales. Je les ai vues, ça m'a inquiété profondément. Moi, j'étais scolarisé, j'allais ailleurs, donc je voyais autour de moi fonctionner une société qui ne me plaisait pas énormément. Et effectivement, si on rentre à l'intérieur de toute une série de ces choses-là, on va trouver d'immenses différences dans notre France. Il n'empêche qu'il y a quand même des... Nous sommes quand même le seul pays du monde où le président de la République est encore sacré comme le roi de France. A encore une once de sacré. C'est-à-dire qu'il a encore la puissance. Et je ne suis pas certain qu'une présidente de la République apparaisse avant longtemps. Vous pensez que c'est tellement ancré dans les représentations ? Je pense que c'est un cas spécifique et qu'effectivement, ça vient de toute une formation. Vous savez, par exemple, Paul Féval, le grand romancier, a épousé, séduit une fille qui avait 20 ou 30 ans de moins que lui, et il a produit Paul Féval fils, ce qui a permis à Lagardère de survivre jusqu'au XXe siècle, puisque Paul Féval fils a continué les choses. Mais ces phénomènes de bourgeoisie sont encore en cours actuellement, c'est-à-dire il y a du masculinisme profond, pas seulement dans les groupes masculinistes qui s'intitulent comme tels. Il reste un rapport des genres qui est spécifiquement français. Oui, Paul Féval, c'est le bossu, avec des principes qui restent encore en cours. C'est très joli d'ailleurs comme expression, en écho à ce que vous nous disiez sur l'importance du phénomène curial pour la séduction. Sylvie Stenberg, en réaction à ce que vient de dire Robert Mouchamblé, parce que vous dirigez cette histoire des sexualités sur le temps très long, et c'est d'ailleurs passionnant hein, de voir les évolutions. Alors c'est très lent, c'est de l'histoire des sensibilités, c'est de l'histoire des représentations, des émotions. Dans cet temps très long qui s'écoule, est-ce que vous ressentez vous aussi un changement qui n'apparaît qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, sur ce XXe siècle, avec une nette évolution sur peut-être un équilibre plus fort dans les principes de séduction. Oui, ben ça, on ne peut pas le nier. Après, encore une fois, je ne pense pas que ça soit très linéaire. Hein. Si on reprend cette question du droit, par exemple, on sait très bien qu'au moment de la Révolution, parce qu'on a supprimé tous les crimes sexuels, on a aussi supprimé la possibilité pour les filles séduites de pouvoir se plaindre en justice et d'obtenir des aliments et des droits de gésine, comme on disait, des droits d'accouchement. Et ce droit et la loi sur la recherche de paternité a réapparu à la fin du 19e siècle. Donc, après une très très longue bagarre, hein, et une bagarre où, en effet, dans laquelle ont participé les féministes. Donc le féminisme en tant que groupe politique, ensemble de groupes politiques et ensemble de luttes, a évidemment posé cette question de l'asymétrie entre hommes et femmes sur le plan de la séduction et je dirais surtout sur les conséquences qu'à cette dissymétrie avec les grossesses non désirées qui ont été d'abord évidemment centrales dans ce qu'on appelle le féminisme de la première vague. Hein, donc, bon, en effet, on rentre dans une autre histoire à partir de la fin du 19e siècle avec d'autres types de revendications vis-à-vis de la sexualité, de ses conséquences pour les femmes, pour les filles mères. Bon, c'est tout cette thématique. Hein. Et puis ensuite, autour des combats sur la contraception, puis l'avortement. Et le viol. et le viol, hein, et les violences sexuelles. Donc, en effet, on peut lire, disons, cette séquence que nous vivons aujourd'hui comme le résultat d'un siècle de luttes qui sont des luttes précaires, enfin, qui sont des luttes fragiles, hein, donc, et qui se manifestent aussi par crises, des crises autour d'affaires judiciaires, autour de projets de loi, aujourd'hui autour de campagnes sur Internet ou via les réseaux sociaux, évidemment MeToo, donc qui remettent en question ces asymétries et qui s'interrogent alors du coup à nouveau frais entre séduction et violence. Et bon, moi je trouve très intéressant finalement que cette question de la séduction réapparaisse aussi sous le thème de l'emprise aujourd'hui, c'est-à-dire de considérer que les relations amoureuses ne sont pas toujours, même si elles sont consenties et même si elles se font sans violence, ne sont pas toujours dénuées, en effet, de rapports de force. Mais c'est un, disons que c'est un élément de discussion, un élément de lutte, etc., qui, comme le dit Robert Muchamblé, se heurte aussi à d'autres conceptions, qui sont des conceptions qu'on peut dire anciennes ou qu'on peut dire traditionnelles, mais encore une fois, le mot traditionnel ne me convient pas tout à fait, mais enfin, en tout cas, des conceptions qui sont opposées à cette façon de faire bouger les lignes. Oui, et puis c'est cette histoire très longue, en fait, que l'on évoque depuis le début de cette émission, qui fait que ces conceptions, et c'est vrai que tradition, c'est extrêmement complexe, et le vocabulaire est dur à utiliser, même le mot séduction, on sent bien qu'il nous file entre les doigts. Tout est toujours présent, c'est-à-dire que nous réfléchissons à des moments très courts, ces luttes que vous évoquiez, Sylvie Lichtenberg, et puis une représentation du monde et des rapports entre les hommes, entre les femmes, et pas seulement, parce que dans votre histoire des sexualités, une place est laissée à l'homosexualité. C'est très important aussi de dire qu'il y a d'autres formes de séduction. Mais les vieux principes qui remontent à la Renaissance et sans doute avant, de domination, en fait, sont toujours présents. C'est comme ça qu'on peut lire aussi les attaques faites à tous ces combats que vous citiez. Ce sont les sociétés humaines guerrières. J'ai été frappé par, en travaillant avec des anthropologues, du changement qu'il date de l'âge du bronze. Lorsque les sociétés humaines deviennent très guerrières, les mâles deviennent beaucoup plus virils et plus brutaux qu'auparavant, dans les 100 000 ans précédents, par exemple. Je ne sais pas si c'est exact, mais j'en ai retenu que nous étions dans une séquence qui n'a que 8 000 années. Oui, c'est de l'espoir. Et qu'il peut y avoir de l'espoir pour l'avenir. Mais c'est vrai que cette image-là que vous évoquez, Sylvie Lichtenberg, on le voit bien, hein, et à travers le cinéma, pendant longtemps, ces représentations sont toujours là. C'est l'homme qui est viril, qui est dominant, qui est conquérant, et la femme qui doit se laisser séduire. Oui. Oui, bien sûr, mais d'un autre côté, ces représentations, il faut les prendre pour ce qu'elles sont. Donc elles ont une influence sur les populations, elles ont une influence, on dirait, dans nos sociétés extrêmement importantes, dans les sociétés anciennes, c'est plus compliqué, hein, les représentations ne sont pas en prise forcément directe, ni les écrivains, ni les peintres, bon voilà, avec la plupart des personnes, et bon voilà. Après, il y a d'autres inculcations possibles que par les représentations, et puis il faut quand même se méfier de ces représentations en tant qu'elles seraient l'expression, disons, de la virilité. Bien sûr que la virilité est liée à la violence, à la guerre, de manière innée, c'est la première chose à laquelle on pense quand on pense à la virilité, c'est à ça. En même temps, l'histoire du genre telle qu'elle se développe aujourd'hui montre que si on s'intéresse non pas à la virilité mais aux masculinités au pluriel, en réalité il y a des rapports de force à l'intérieur même des groupes d'hommes. Et que la virilité n'est pas portée par tous les hommes, et certains

Merci beaucoup pour ce rappel, Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Sam Bakiast avec aujourd'hui aussi Alexandre Manzanares. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Viudet, Jeanne Copet, Gilliane Tilly et Maïwenn Guizhou. À retrouver et à podcaster les émissions, pas toute l'équipe, sur le site internet franceculture.fr et sur l'appli Radio France.